Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici en plateau délocalisé au sein de l'EHPAD Abel Maurice au Bourdoisan. On va faire un petit tour de table pour se présenter, puisque aujourd'hui, justement, la thématique, c'est la création et l'essor des stations de ski. Je vais commencer par ma gauche. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Bernadette René-Manca. Je suis originaire de l'Alpe d'Huez. Je suis née à Bourdoisan. J'ai passé toute mon enfance à l'Alpe d'Huez. Devant moi, bonjour. Bonjour, je suis monsieur Jacques René de la Grave. Commune de la Grave, et j'habite un petit hameau, le Chazelet. Donc, effectivement, on le disait, parce qu'on a eu une petite coupure d'électricité, juste à côté, c'est le département des Hautes-Alpes, on n'est pas très loin. C'est ça, ouais. On est dans l'Isère, et nous, la Grave, c'est les Hautes-Alpes. Pile à la frontière. C'est ça, en gros, ouais. À ma droite également, monsieur Chalvin, bonjour. Bonjour, oui, Roger Chalvin, né à l'Alpe d'Huez, et habitant à l'Alpe d'Huez depuis tout le temps, ici. Rester jusqu'à cette année. Et à vos côtés, votre fille, hein, c'est bien cela? Oui, bonjour, Florence, la fille de Roger. Donc l'Alpe d'Huez qui n'est pas très loin du Bourdoisan, on est à quelques kilomètres hein, ici, à vol d'oiseau notamment. Oui. La thématique de cet atelier pour cette première semaine, c'est la création et puis l'essor hein, des stations de ski. Je vous propose qu'on commence avec Monsieur Chalvin pour nous présenter justement cette fameuse station de ski de l'Alpe d'Huez. La station de l'Alpe d'Huez est née dans un petit village de montagne. C'était l'alpage d'Huez. Et en 1929, le CAF a racheté un de ses chalets d'alpage pour y faire un refuge. En 1930, les deux premiers chalets hôtels, on ne peut pas appeler ça vraiment des hôtels, parce qu'ils étaient tout petits et c'était plus des refuges que des hôtels, se sont installés, dont mon père qui tenait un de ces deux hôtels. Ensuite, comme il n'y avait ni eau, ni électricité, ni égout, ni téléphone, ni rien du tout, ni route, il a fallu installer tout ça et ça s'est fait petit à petit dans les 3-4 ans qui ont suivi. En 1933, M. Rajon, qui installait un hôtel à l'Alpe d'Huez avec mon père, ont tiré l'électricité qu'ils ont payé eux-mêmes à partir du câble de la mine qui descendait le charbon à Bourdoisan. Ils ont donc payé à leurs frais 1 kilomètre de ligne à peu près. Alors les lignes, c'était très succinct, c'était des pylônes en bois avec des fils accrochés dessus. C'était pas très important. En 1933, ils ont également, avec M. Rajon, ils ont également acheté une source et ils ont eu l'eau potable. Mais en 1935-36, la route a été construite entre Huez et l'Alpe d'Huez. En 1936, a été installé le premier téléski fait par la maison Pomagaski, qui habitait l'Alpe d'Huez pendant la guerre. Il a été construit donc en 1936 et c'était le premier téléski qui existait dans le coin. Et là, la route a été finie donc en 1936. Tout s'est installé, évidemment, le téléphone et tout ça, parce que le téléphone, à l'époque, c'était sur des fils hein, qui étaient accrochés sur un poteau en bois. Des fils de cuivre, effectivement. Des fils de cuivre. En 1937, alors, s'est construit un des plus grands hôtels des Alpes. C'était le Grand Hôtel, qui a été classé ensuite en 4 étoiles. C'était un peu le palace du coin. Et après ça, ça s'est enchaîné. La route qui existe à l'intérieur de l'Alpe d'Huez, qui dessert la place Pagano actuelle jusqu'à la place du Cognet, a été faite en 1938. Grâce, il faut bien le dire, il faut bien le signaler, à un monsieur qui s'appelait Pagano et qui a été ministre, nommé en 1937. Il a fait cette route interne à l'Alpe d'Huez et il a fait également la route de Bourdoisan à Villars-Notre-Dame. Et justement, quand vous repensez à cette époque, ça vous transmet quelle sensation? Est-ce que c'est une sensation de nostalgie? Est-ce que vous retrouvez justement, peut-être même l'Alpe d'Huez, des similarités avec l'Alpe d'Huez d'aujourd'hui? Oui, je retrouve un peu ça avec un peu de... je sais pas comment dire. Parce qu'à l'époque, c'était fraternel, tout était fait. Vous voyez, mon père et M. Rajon, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait rien du tout. Moi. Pas d'école, rien du tout. Mon père et M. Rajon s'entendaient à merveille pour aller chercher le pain à Huez, par exemple. C'était la période fraternelle de la création de la station. Et ensuite, ça s'est enchaîné, évidemment. Et à la déclaration de guerre, il y avait 17 hôtels. Pour nos auditeurs et nos auditrices, qui sont justement un peu plus jeunes, qui découvrent aussi l'histoire de cette si belle station. Vous avez vécu effectivement à l'époque sans eau, sans électricité, enfin c'était compliqué, l'accès n'était pas comme aujourd'hui. Absolument. Au début, ça a été sans rien. Autour de la table, est-ce qu'il y a des réactions sur ce que vient de dire M. Chalvin? Cette évolution-là, vous l'avez peut-être vécue, vous en avez peut-être entendu parler aussi. C'est quoi vos réactions, finalement, en entendant ça? Plus ou moins, oui. Moi, j'ai connu un peu ce temps-là. J'ai connu, la station du Chazelet, où à l'époque, il n'y avait rien. Puis dans les années 64, 65... Il y a un promoteur qui est arrivé de Paris, là, au M. Carat, donc qui a fait la transaction des terrains, déjà. Ça a été le bazar, on va dire. Et là, il y a eu les premiers financements du téléski, du chalet, du télésiège, des années 65. Ça vous procure quoi aujourd'hui quand vous faites justement un avant et un après? Avant, moi, j'étais perchman, en fait. J'ai fait 3 ans perchman. Et on n'était pas que percheman à l'époque. On était polyvalent. C'est-à-dire qu'on faisait les touristes, les pisteurs scouristes, on montait sur les poteaux pour aller réparer les câbles électriques, les câbles électriques ou tout, quoi. Mm. On était polyvalent, on va dire. Mais c'était costaud. Hein. Et comment ça se passait quand il y avait des tempêtes, quand il y avait de la neige, etc. J'imagine que ça cassait quand même beaucoup. Ben, ce jour-là, je pense que c'était fermé, ou alors, s'il y avait beaucoup de vent, c'était fermé. La station était fermée. Enfin, c'était pas une station à l'époque. À l'époque, ça ressemblait à quoi? On avait le site qui était avec nous. Donc, le secteur de la Grave, la Mège, le plateau dans Paris, on va dire... on avait un site touristique qui nous amenait du monde, naturellement. Ça vous fait quoi de repenser à tout ça et d'en parler aujourd'hui? Ça fait du bien à un moment, hein. Ça vous fait du bien? Mmh. C'est quoi? C'est un sentiment de nostalgie que vous ressentez? Ouais, c'est ça, ouais. Un retour en arrière, on va dire. Hein. Ouais. Parce que quand on dit ça à des jeunes, maintenant, ils disent, mais il est fou, celui-là. Pas du tout, au contraire. C'est très enrichissant de découvrir, effectivement, comment c'était à l'époque et aussi comment vous vous y adaptez aussi. C'est important, l'adaptation. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens n'étaient pas riches en montagne. Hein. Donc, on a fait miroiter aux gens que l'arrivée de la station, tout le monde allait de Perchman, tout le monde allait de Triche. C'était qu'une foutaise pour vous? À l'époque, oui, c'était un peu la foutaise. Non, c'était bien parce que les gens avaient quand même un salaire. C'est là que ça a commencé à émerger aussi. C'est vrai qu'on a vu les premiers salariés arriver, j'imagine, sur la station, les premières bâtisses aussi. Hein. Oui, il y a eu beaucoup à l'époque, il y a eu beaucoup de gîtes qui se sont montés, là, les gîtes de France. Alors, il y avait des financements du Crédit Agricole à l'époque. On nous prêtait de l'argent à rien du tout à l'époque. C'était à 2% et l'inflation était de 10 ou de 15 points. 15, donc on avait l'impression, avec les emprunts, de gagner de l'argent. C'était la bonne époque. On pouvait, j'imagine, acheter des actions sur... Voilà, exactement, oui. Je vois beaucoup sourire autour de la table, justement. Ça vous fait quelque chose comme ça d'entendre, peut-être Bien sûr, parce que nous, enfin, avec Florence, on est la génération après. Donc, effectivement, on n'a pas connu vraiment l'essor des stations, mais on a vu l'évolution des stations. Donc, moi, par exemple, mes parents sont arrivés en 1955 à l'Alpe d'Huez et ils ont construit un hôtel, ils ont profité de l'essor du ski. Moi, j'ai été monitrice de ski, comme René d'ailleurs. Et donc, d'une petite école de ski où on était à l'époque 50, 60 moniteurs. Actuellement, la semaine dernière, pendant les vacances scolaires, il était quand même 400 moniteurs. Donc, on a vraiment vu l'essor des stations avec l'apport de la clientèle étrangère, avec tous les nouveaux hôtels, tous les clubs hôtels qui se sont montés. Cette époque qui nous évoque, pour nous, on ne l'a pas connue. Mais par nos parents, bien sûr, on en a entendu parler. Quand vous pensez à cette évolution, pour vous, elle a été positive ou négative? Ou les deux? Elle a eu du positif, elle a eu du négatif. Mais le positif, c'est qu'elle a permis à beaucoup de personnes de rester au pays parce que la vie était bien moins dure. Les gens pouvaient vivre de leur travail déjà tout l'hiver. Et ensuite, l'été, les stations se sont adaptées de manière à avoir aussi une saison d'été. Donc, forcément, moi, je sais que je suis restée... J'ai eu une belle enfance à l'Alpe d'Huez puisque on pouvait aller au ski tous les jours, on avait nos copains sur place. Le seul inconvénient, c'est effectivement quand on allait après au lycée, où on était obligé de venir soit à Bordoisan, soit à Grenoble. On était un peu déracinés, mais voilà. C'est vrai, ça vous a fait quelque chose de sortir un peu comme ça de la station, de sortir des montagnes de Loisans ? C'était une ouverture à la vie aussi. C'est pareil, il y a un avantage et un inconvénient. Et aujourd'hui, quand vous... Et là, je pose la question collectivement, évidemment. Quand vous voyez la station aujourd'hui, telle qu'elle est, ça vous procure quoi ? Vous pensez que, justement, c'est une belle évolution ou au contraire, qu'il aurait peut-être fallu garder telle ou telle chose sur place, par exemple ? Moi, je dirais que c'est une belle station. Ça, il n'y a pas de doute. Éviter certaines erreurs. Par contre, surtout dans l'urbanisme, là, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'on a confronté les skieurs avec les voitures. Vous n'avez presque pas d'hôtel ou de chalet qui soit à portée avec les skis au pied. On a fait une grave erreur. On aurait dû orienter nos routes intérieures, nord-sud, au lieu d'est-ouest. Mais on a fait aussi des choses très importantes en ce qui concerne les remontées mécaniques. Et là, on peut dire qu'on a fait quelque chose d'assez nouveau les unes des autres et on les a réunies. On a créé une société qui s'appelle la SATA et qui était un peu extraordinaire en ce sens. À la formation de la SATA, on a décidé qu'il n'y aurait jamais un centime distribué dans les bénéfices. Si bien que tous les bénéfices sont réinvestis ou servent à l'entretien de nos remontées mécaniques. Il n'y a pas un centime qui est distribué. Et ça, c'était inscrit dans le contrat. C'est inscrit dedans ? Oui, oui. Et justement, le fait qu'il y ait eu ce genre de décision, par exemple, pour vous, c'était bon ou mauvais, justement ? C'était bon parce que ça a réuni tout le pays. Les actionnaires sont tous les gens du pays qui ont pris des actions. Et on s'est approprié mutuellement et tous ensemble la possession du ski. C'est vrai ce que tu dis, Roger. Effectivement, les gens de l'Alpe d'Huez se sont vraiment regroupés pour vraiment créer leur station. Oui. Pour ça, et puis le Mas du Coulé aussi. Ça a été la réunion de 129 propriétaires de terrain qui se sont regroupés sous l'égide de la commune, évidemment, et qui ont fait un lotissement. Alors, pour faire les routes et tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne, ils avaient donné un quart de leur surface à la commune qui pouvait les vendre. Donc, ils pouvaient vendre ce quart pour payer les routes, l'eau, enfin, tout ce qu'il y a à installer, évidemment, dans une agglomération. Donc, ça a servi tant aux personnes résidentes, j'ai envie de dire, de l'Alpe d'Huez, mais également aussi dans le développement aussi des infrastructures. Bien sûr. Oui. Et donc, pour l'accueil des touristes, notamment, on y pense, parce que c'est vrai que c'est très touristique. Hein. On rappelle, l'Alpe d'Huez, c'est quand même une station, en tout cas à l'échelle européenne, ultra convoitée hein, chaque année, notamment en hiver. C'est l'une des destinations préférées, notamment aussi tous les Français aussi. Hein. Je pense que c'est une station qui a su investir dans les canons à neige. Ça a été une des premières stations. Ensuite, c'est une station qui a su se convertir aussi en accueillant le Tour de France l'été, qui s'est fait mondialement connaître par le vélo. Et voilà, c'est une station qui a su tirer profit de ses valeurs. Premier tour 1952. Oui, le premier tour, oui. Postocopie. Exactement. Et aujourd'hui, justement, parce qu'on sait que ça fait débat, je vous pose la question évidemment à tous autour de la table. Quand il y a des festivals tels que, par exemple, le Tomorrowland Winter qui sont organisés à l'Alpe d'Huez, ça vous évoque quoi pour vous ? C'est malheureux ou au contraire, ça valorise un peu la station ? Alors, Tomorrowland est critiqué parce que c'est pour certaines personnes contre nature de faire tant de musique dans des montagnes, on ne respecte pas l'environnement, mais en contrepartie, Tomorrowland nous amène une clientèle qu'on n'aurait jamais eue, telles que des personnes qui viennent du Japon, qui viennent de tout le monde et qui reviennent ensuite. Donc, dans tous les événements, je pense qu'il y a le pour et le contre. Je ne sais pas, Roger, qu'en penses-tu, toi, qui as été hôtelier ? En tant qu'hôtelier, évidemment, ça doit rapporter beaucoup parce qu'il paye cher. Ça, c'est clair. C'est clair et c'est net. Mais pour l'animation, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il faut rester moderne maintenant. Il faut être plus que moderne. Et là, c'est vraiment une forme de distraction. Et puis, c'est qu'une semaine dans l'année. Donc, on peut... Effectivement, il y a du désagrément parce que pour installer Tomorrowland, il faut effectivement que les camions arrivent sur la station, mais ils choisissent des périodes où il y a moins de monde et ça se fait, ça se fait. Franchement, et moi je suis une pro, tout ce qui peut faire avancer la station et qui fait travailler la station. Tout à fait, et puis est-ce qu'il y a eu des événements, j'ai pas envie de dire des événements similaires, mais il y en a eu des événements à l'Alpe d'Huez quand même. Je veux dire, au fil des années, il y en a eu des festivals aussi qui sont arrivés, mis à part le Tomorrowland justement. Le plus gros événement, c'est le Tour de France. Si on pouvait avoir le Tour de France chaque année, c'est sûr que le Tour de France, c'est une manne magnifique. Et le Tour de France fait non seulement travailler l'Alpe d'Huez, mais il fait travailler tout l'Oisans. Et pour revenir à ça, on peut dériver en disant que les stations de ski, pas que l'Alpe d'Huez, parce qu'on parle de l'Alpe d'Huez, mais il y a les deux Alpes, il y a Vaujany, il y a Auze, il y a la Grave. Toutes ces stations de ski, tous nos enfants de l'Oisans, finalement, travaillent dans ces stations. Et si on n'avait pas ces stations, que feraient ces enfants ? On en parlait, il y a beaucoup d'économies, ça favorise l'emploi sur le territoire bien aussi. Sûr, bien sûr. Vous avez peut-être des souvenirs, vous en particulier, j'ai envie de dire, de la station de ski, peut-être qui vous a marqué ces dernières années. Ça peut être à l'époque, mais j'ai envie de dire des souvenirs qui vous ont marqué, par exemple, sur l'Alpe d'Huez. Moi, c'était dans mon enfance, c'était la liberté. On pouvait courir dans les champs. Je me souviens, on passait tout notre temps à la piscine, à la patinoire, au ski, au balançoire. On était toute la journée dehors à faire des pique-niques, au torrent avec mon grand-père à la pêche. C'était le bonheur absolu. On n'avait peur de rien, il y avait la sécurité, il y avait la convivialité. Et c'est des souvenirs fabuleux. Et c'est vrai que quand je remonte à l'Alpe, pour moi, c'est le cœur, quoi. Après, la station a beaucoup changé depuis, mais c'est toujours une très belle station. Alors, elle est plus compacte qu'avant. Avant, il y avait des tas de champs, justement. Je me souviens, on allait ramasser les fleurs, on allait voir les papillons, il y en avait de toutes les couleurs. Là, c'est quand même plus compact, mais ça reste quand même une très belle station et je prends toujours beaucoup de plaisir à chaque fois que j'y vais. J'imagine que c'est partagé autour de la table, hein. J'imagine que c'est un sentiment qui, vous aussi, vous anime. Cette station, elle vous anime. On a connu le temps où on avait des skis qui duraient 2,3 m, 2,4 m, 2,10 m. On arrivait quand même à skier avec. On arrivait à faire des virages. Après, il y a eu l'évolution des skis paraboliques. Ça a tout changé la donne des skieurs. Tout le monde s'est cru être champion du monde avec ça. Et ça vous fait quelque chose de repenser justement à ces années où vous faisiez du ski justement sur les sommets de l'Oisans ? Bah, c'est-à-dire que moi j'étais pris dans mon travail, hein, parce que comme j'étais agriculteur, j'allais pas trop sur les sommets, hein, on restait sur les pistes, on restait avec ce qu'on avait quoi. Hein. Les pistes, on n'avait pas de chenillettes à l'époque. Hein. On montait à pied, on redescendait, c'était le bazar. Hein. C'était le bazar. Le ski avançait ou avançait pas. Hein. Je crois qu'il y a M. Chalvin justement qui veut réagir. Oui, vous parliez tout à l'heure, le Tour de France n'est pas la seule chose qui est intéressante. Il y a toute cette variété de sports qu'on a installés, entre autres le vélo en été. Et puis il y a des choses très intéressantes qui sont modernes, dirons-nous. C'est par exemple le festival du film qui apporte... pendant le mois de janvier, une clientèle certaine à la station. Des grands noms qui viennent à l'Alpe d'Huez. Exactement. Il y avait eu Gérard Jugnot notamment, enfin beaucoup d'acteurs. On en a eu. Et ça vous fait quelque chose ? Comment ça se passe ? Quand ils viennent sur la station, ils sont assez accessibles justement avec les locaux ? Très accessibles. Justement, moi j'y vais depuis 25 ans à ce festival et ils nous reconnaissent, ils nous font la bise, ils se font prendre en photo avec les gens. C'est très convivial, je dirais, et ils sont très accessibles. C'est ce qui fait la renommée de ce festival par rapport à d'autres. C'est ce qui fait aussi la particularité, j'ai envie de dire, de l'Alpe d'Huez. C'est une station qui est très culturelle aussi. Ah. Il y a beaucoup d'événements autour du cinéma, notamment autour de la musique électronique aussi, avec le Tomorrowland. C'est assez varié et c'est quand même rare, non, d'avoir justement cette richesse au sein d'une station. Je pense que ça vient des personnes qui ont pris la commune depuis plusieurs années et qui ont su attirer justement la clientèle, qui ont su choisir, aller dans divers pôles de manière à faire avancer la station. Et je sais pas, moi, mes parents avaient justement un tout petit hôtel, genre chambre petit déjeuner, un tout petit hôtel. Et dans notre clientèle, on avait des gens fidèles qui revenaient chaque année parce qu'il y avait ce côté convivial. Et d'un autre côté, vous aviez les grands hôtels où là, il y avait plus les personnalités. Mais justement, cette mixité faisait l'Alpe d'Huez. C'est ça. Et continue peut-être aussi Et continue de le faire, effectivement. Mmh. Effectivement. Il y a ce côté évolution. Oui, oui. Et vous, vous en pensez quoi, du coup, monsieur Chalvin, par rapport à ça? Je pense que tout n'est pas forcément bon. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Chaque chose a apporté quelque chose, une plus-value à notre station. Et Dieu sait si on en a créé, hein, entre autres des sports. On peut dire que l'Alpe d'Huez a su s'inventer et se réinventer. Voilà, se diversifier surtout, d'une bonne manière, en faisant des fois des bêtises, mais en faisant des bonnes choses. Il y a un problème qui se pose, dont on ne parle jamais, c'est le logement des gens qui travaillent dans la station. Des saisonniers. Des saisonniers. D'ailleurs, vous l'entendez à la radio, vous voyez sur le journal, il y a beaucoup de stations qui ont des problèmes énormes avec ça. Et nous, nous avons commencé à vraiment prendre la main en main aux Jeux Olympiques en 1968. C'est là où ça a commencé et on a fait une société qui était moitié HLM, moitié privée de la commune en 1968, oui, exactement. En reprenant les bâtiments des Jeux Olympiques qui nous ont servi de base pour tout développer après. Le logement social. C'était là. Et on est arrivé à 345 logements pour les gens qui travaillaient. C'était énorme pour eux. Bien sûr. On est donc de retour au sein de l'EHPAD Abel Maurice au Bourdoisan. On évoquait justement le fait que le problème du logement pour les saisonniers, ça ne date pas d'aujourd'hui hein, sur la station de l'Alpe d'Huez, ça date à partir des Jeux Olympiques, donc en 1968. On entend donc beaucoup parler, notamment des plateformes comme Airbnb, des choses comme ça qui sont mises en place au fil du temps et qui sont parfois problématiques, tant pour effectivement les saisonniers sur place, tant aussi peut-être pour les riverains, les locaux aussi, qui dénoncent parfois des nuisances, etc., etc. On était dans ce débat-là à se dire ce que c'est positif d'allier privé et également logements sociaux, logements un peu éphémères, on va dire, logements touristiques. Monsieur Chalvin, Moi, je dirais qu'ils sont obligatoires, ces investissements-là. Et on devrait y penser au moment de la création d'une station. Une deuxième chose auquel on ne pense jamais quand on installe quelque chose quelque part, c'est à l'eau. C'est un problème de base en montagne. Malgré nos épaisseurs de neige, nous manquons d'eau. Nous, l'Alpe d'Huez, on a résolu le problème en allant capter dans le lac Blanc, qui est un lac assez grand, à 2500 mètres d'altitude, et qui nous sert à alimenter l'Alpe d'Huez en eau potable. Et les résurgences servent pour les canons à neige. Mais tout juste, on est tout juste. Pourtant, on est bien équipé à l'Alpe d'Huez. On a été obligé de faire un contrat avec EDF pour remonter 600 000 mètres cubes de la plaine, enfin en dessous d'Oris, pour remonter cette eau pour alimenter les canons à neige. C'est donc problématique parce que ça utilise la ressource locale en eau. Et ça contraint, j'imagine, peut-être les locaux, justement, il y a peut-être des restrictions d'eau qui sont faites, justement, par rapport à ça, non? Non. Non, non. Non, non, on est suffisamment approvisionné avec le lac. Avant, il y avait des petites sources, mais c'est ce qui a servi au début de la construction. Et en 1965, on est allé capter sous le lac Blanc, à 26 mètres de profondeur, je précise. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Quatre forages horizontaux qui ont sorti l'eau de dessous le lac Blanc pour alimenter l'Alpe d'Huez. Ça a été un gros investissement. Donc après ça, se sont installés les canons à neige. Alors avec l'eau qui restait dans les ruisseaux, les résurgences du lac, etc., etc. Maintenant, ça s'avère insuffisant. Surtout que l'eau, d'une façon générale, baisse. Il y a de moins en moins d'eau en montagne, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, il faut étudier bien ça pour que tout puisse fonctionner comme il faut. Ce manque d'eau, ça existe depuis longtemps? Chaque fois qu'un glacier disparaît. Chaque fois qu'un glacier disparaît, vous avez de l'eau en moins. C'est vraiment pas compliqué. Et ça, c'est du réchauffement. Clair et net. Et vous savez à peu près en combien d'années, combien de glaciers ont pu disparaître ici, dans la région? Il paraît que dans la région de... il y a les glaciers de la Bérarde, tout ça, qui sont encore pour un bon moment. Mais combien de temps? Dans les grandes rousses, Il y en a un qui est le glacier de l'Étendard, qui est en Savoie, lui. Il sera certainement le dernier. Et ils escomptent, il sera fini dans 40 ans à peu près. Alors moi, pour ça, par exemple, je peux te dire, Roger, que j'ai skié en été sur le glacier de Sarenne dans les années... Toi aussi, Corinne, je pense. Dans les années 80. Florence, oui. Dans les années 80, on a skié sur le glacier de Sarenne l'été. Et on arrivait même à descendre jusqu'à 2700 mètres. On descendait jusqu'au deuxième tronçon. Et il y avait même... Alors justement, les équipes de France de ski venaient s'entraîner et faisaient même un grand prix l'été à l'Alpe d'Huez. Mais après, il y a eu le glacier des Deux Alpes qui a duré un petit peu plus longtemps. Et malheureusement, bah, plus ça va et plus les glaciers ferment parce qu'on n'a plus de neige. Par exemple, à titre de comparaison, si on prend la hauteur de neige en hiver, on va dire à l'époque et maintenant, c'est quoi la différence à peu près, les deux combien, vous savez? Par exemple, sur l'Alpe d'Huez. Roger, tu te souviens en quelle année là, il y avait eu tant de neige? En 1973, on avait eu 33 mètres de neige. Cette année, il y en a pas mal. Mais une année moyenne, bon, je dirais que ça a baissé de moitié. Et je pense aussi. Hein? Je pense aussi. Cette année, on a eu un hiver exceptionnel. On a eu beaucoup de neige. Hein? Mais ouais. C'est vrai que, bon, par exemple, là, la semaine de février, là, il y a 3 semaines, voilà. Elle ressemblait à une année comme les années 80. Oui. Mais voilà. Oui, mais c'était de la neige tardive. Il n'y avait pas. Oui. Effectivement. Les premières neiges avant, c'était le mois de novembre. Oui, c'est ça aussi. Décembre. Oui. Celle-là, elle tenait au sol parce que le sol, il était gelé. Donc, on disait neige de Noël, neige de Pâques. Et ça, c'était véridique. Oui, oui. C'est quoi la différence, en fait? C'est parce que la neige, elle tient moins bien, c'est ça? Si le sol n'est pas gelé, ça va travailler du fort tout de suite et la neige va disparaître. Il faut un sol gelé pour que la neige tienne. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, parce que les températures... Je crois que ça manque beaucoup. Ouais. Enfin, je ne veux pas raconter des conneries. Non, non, c'est ta raison. Non, les températures ont augmenté et forcément, le sol est moins gelé. Moi, les souvenirs que j'ai, puis ils sont quand même un peu anciens, puis, étant donné mon âge, quand j'allais à l'école à Grenoble, on montait à Toussaint et ils ouvraient le téléski du Signal et il y avait 1 mètre de neige au début novembre. Et aujourd'hui, on faisait du ski. Et maintenant, au mois de décembre, il n'y en a pas. Il arrive à Noël pénible. C'est vrai ce que tu dis, les saisons se sont décalées. Se sont décalées, nous, on pouvait faire du ski souvent pour les vacances de Toussaint, alors que maintenant, si ce n'est en hauteur, et c'est pour ça que les stations envisagent justement de remonter, de faire leur départ plus à 1800, mais à 2000 mètres, de manière à gagner. Donc, augmenter davantage en altitude. Exactement. Pour pouvoir garder ce côté sport d'hiver, etc. Quand on en a la possibilité, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de montagne au-dessus, on ne peut pas monter plus haut. Hein. Vous vous êtes posé la question pourquoi il n'y a plus de téléski maintenant? Plus de neige? Non, c'est pas ça, non. Parce que si on fait des téléportés, justement, on peut monter les gens. Alors qu'en téléski, il faut forcément qu'il y ait de la neige. Alors que le téléporté, il y a deux usages. Vous pouvez d'abord monter avec vos skis, et puis ensuite, vous pouvez monter aussi pour les vélos. Donc voilà, ça peut servir hiver, été. Voilà pourquoi il n'y a plus de téléski. Tous les téléskis sont démontés en station. C'est justement un problème, vous pensez? Pour la suite, on va dire, si par exemple le réchauffement climatique malheureusement continue de se mettre en place, que la neige se fait de plus en plus rare et qu'il faut trouver des alternatives aussi touristiques, des sports annexes, comme par exemple le VTT, peu importe, je veux dire tous les sports qui ne nécessitent pas en tout cas d'avoir de la neige finalement. Vous pensez que c'est un problème le fait que les téléskis soient supprimés? Je ne sais pas trop comment répondre à votre question, mais je pense que... Je pense que, bon, si on écoute les pessimistes, tout le monde dit que dans 40 ans, il n'y aura plus de ski. Mais regardez cette année, les petites stations ont eu de la neige. Tant mieux, c'est merveilleux pour elles. L'Alpe du Grand Cerf qui devait fermer, cette année fait une saison magnifique. À côté de nous, le col d'Ornon, toute petite station, a tiré son épingle du jeu. Donc, chaque année se suit, elle ne se ressemble pas. Et on peut espérer que dans les années futures, il y ait de nouveau des années à neige. Et faire en sorte que ça perdure, que les traditions perdurent et que les familles viennent toujours, en tout cas du côté de l'Alpe d'Huez. Que les familles viennent toujours et que surtout les enfants d'ici vivent de ce ski, parce que c'est quand même, je ne sais pas combien de personnes ici à Bourdoisan vivent des stations de ski. Il n'y en a pas beaucoup, vous pensez? Ah si, beaucoup. Les logements sont presque tous occupés par des gens qui travaillent dans les stations. Bien sûr, entre l'Alpe d'Huez, les Deux-Alpes, Vaugeany, la Grave. Il y a de quoi faire. Oui. C'est des emplois plutôt saisonniers, on l'a dit. Oui, c'est des emplois saisonniers, mais bon, il y a une saison hiver et une saison été. C'est ça, avec des activités effectivement diverses. Diverses. Il faut savoir se diversifier et... Est-ce qu'on peut dire que l'Alpe d'Huez, pour en revenir à la station, a été pionnière un petit peu aussi dans ça, dans la diversification des activités? Oui. Oui, oui, moi aussi, je pense. Je pense qu'on a été assez en avant pour ça. Et ben, pour vous donner une indication sur l'habitabilité des gens à Bourdoisan, tous les matins, il y a 700 voitures qui montent de Bourdoisan à l'Alpe d'Huez avec des gens qui travaillent à l'Alpe d'Huez. 700 voitures. C'est pour ça, Roger, que nous assistons et nous aimerions avoir notre remontée qui part de Bourdoisan et qui monte à l'Alpe d'Huez. Oui. Parce que, effectivement, il y a combien d'impact carbone sur cette route. Voilà. Donc, ça serait vraiment pour nous. Il n'y a rien que 3/4 de saisonniers qui montent tous les matins, plus tous les moniteurs de ski qui habitent généralement. Pourquoi nous habitons en bas? Parce que déjà, en station, il n'y a presque plus de logements accessibles. Le prix de l'immobilier aussi. Bien qu'ici, à Bourdoisan, il commence aussi à être très cher. Donc, il nous faut vraiment penser à l'avenir. Oui. Alors, je peux vous donner une indication. Ça verse un peu dans le politique, je m'excuse. Mais notre remontée mécanique entre Bourdoisan et Huez ne pourra être faite que dans 7 ans, à partir de 1930. De 2030, qu'est-ce que je dis? 1930, c'est 7 chevaux. 2030, encore si ça se passe correctement. Parce que les finances, vous savez ce que c'est. C'est justement les finances qui bloquent aujourd'hui la création de cette remontée ou c'est plutôt une lenteur politique? Non, la volonté politique est bonne. Ça y est, c'est le PLU a été accepté. Uniquement la finance. Vraiment les finances. Ouais. Vous savez combien ça coûte un tel projet? Pas idée, moi. Enfin, je ne suis plus à l'Alpe depuis un bon moment et je n'ai pas idée. Ça ne doit pas être donné. Hein. Ça ne doit pas être donné, effectivement. Mais en tout cas, c'est en projet donc pour 2030. Donc, on le disait, vous l'attendez patiemment alors, cette remontée. On l'espère. On l'espère de tout notre cœur. C'est débattu par les élus locaux, quand bien même. Bien sûr que c'est débattu, autant par la mairie de l'Alpe d'Huez que par la mairie de Bourdoisan. Donc, il y a quand même cette discussion qui est faite entre citoyens et politiques. C'est là où je vous disais que la politique intervient quand même. Elle intervient en réalité pour tout. Mais... Vu qu'on est sur cette question politique, on sait qu'entre territoire urbain et puis territoire notamment de montagne, c'est pas la même chose. Quand on parle de politique, justement, la politique, j'imagine que... Enfin, c'est quoi votre définition? Ce serait quoi exactement? Roger, t'es bien placé pour répondre. Toi qui as été conseiller, premier adjoint. Je ne veux pas répondre sur une question politique comme ça. Parce qu'il y en aurait trop à dire. Non, mais je pense que la politique, c'est des hommes de terrain qui connaissent et qui s'impliquent pour leur région, pour leur village. Dans notre commune, en tout cas, c'est ce dont il s'agit. C'est des gens qui travaillent parce qu'ils sont montagnards et qui travaillent pour continuer à faire marcher cette station comme il faut. Mais la politique n'intervient pas trop à l'échelon local, mais c'est à l'échelon national aussi. Et changeons de sujet. Ah. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de parler justement de besoins aussi, parce que l'Alpe d'Huez, on le disait, c'est une station de ski qui est forte, qui est culturellement forte, qui est aussi financièrement forte aujourd'hui quand même. Il y a beaucoup de, on le disait hein, en début d'émission, il y a énormément de touristes, qui viennent chaque année ici dans la station. Et justement, cette dimension-là aussi est importante. Quand on sait qu'il y a des hommes et des femmes qui, au quotidien, œuvrent pour essayer de... Parce que c'est ça aussi la politique, c'est améliorer aussi le quotidien des gens. Et quand je dis des gens, c'est à la fois des gens qui y vivent, mais aussi des gens qui viennent en vacances, par exemple. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est quelque part une sorte de synergie aussi qui se met en place, j'imagine, sur le territoire. Oui, mais c'est pour ça que tous les acteurs économiques sont importants. Il faut que les hôteliers, les moniteurs de ski, la mairie, tout le monde travaille dans le même sens. Et l'avantage de l'Alpe d'Huez, c'est quand même qu'elle a été basée, elle est apparue avec un groupe de pionniers, de personnes vraiment de l'Alpe d'Huez qui se sont mis ensemble. Et c'est d'un village que la station est née. Donc je pense que ça, c'est important. Et à la Grave, c'est exactement pareil, je pense. Hein. Ouais. On n'en est pas encore à l'Alpe. Hein. Oui, mais pas... Alors, par exemple... C'est deux choses différentes. Hein. Oui, mais René, toi, tu viens d'une toute petite école de ski. Alors, toi, tu enseignais plus à des classes de neige. Vous viviez grâce aux classes de neige. On était plein de classes de neige. Et plus aussi pendant les fêtes. Hein. Les fêtes février, Noël, on avait une clientèle de Parisiens. Enfin, des gens qui arrivaient d'ailleurs. Voilà. On n'était pas que classes de neige, mais les trois quarts étaient classes de neige. Voilà. Alors que nous, on avait plus une clientèle de clients déjà, des familles, et ensuite est arrivée la clientèle étrangère. Et effectivement, les moniteurs actuellement, c'est des moniteurs, il faut savoir parler au moins 2 ou 3 langues pour satisfaire cette clientèle. Et le gros essor est venu aussi par les clubs, le Club Med, qui bien sûr était, voilà, à portée de main. Et justement, quand vous dites clientèle étrangère, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est essentiellement européenne ou même au-delà ? Non, c'est au-delà. C'est au-delà. Cette année, je crois qu'au Club Med, il y a eu beaucoup de Brésiliens. Les Brésiliens, l'Amérique du Sud, beaucoup de personnes, même des Japonais, les Israéliens. Il y a vraiment une clientèle qui vient, et bien sûr les Anglais. Les Anglais et alors les Hollandais qui viennent à la WDS par le biais du Tour de France. Et ils viennent parfois, vous savez, le pratiquer, par exemple, ici aussi sur le territoire, parce qu'on fait beaucoup de vélo aussi, quand même. On dit que c'est la Mecque du vélo, l'Alpe d'Huez. Il y a un très, très grand événement qui a lieu à l'Alpe d'Huez, qui s'appelle l'Alpe d'Huez, qui est un événement qui est hollandais, où tous les Hollandais viennent pendant une semaine, c'est au mois de mai, fin mai, je crois, ou fin juin. Début juin. Et donc, ils viennent une semaine et ils font la montée de l'Alpe d'Huez. Et le record, je crois, de montée est à plus de... 7 fois, ils sont limités. 7 fois, je crois. Voilà, 7 fois. 7 fois. 7 fois dans la journée. Et ils reversent l'argent à la Ligue du Grand Cerf, quoi. Oui. C'est vraiment, c'est festif. C'est... Si vous avez l'occasion de venir voir, c'est vraiment un événement vraiment important et qui... Oui, il y a des banques qui financent chaque remontée. Alors, quand ils additionnent toutes les remontées... Ah, je ne sais pas combien. Je ne sais pas. Ils versent ça donc contre le cancer. Et l'année dernière, ils ont versé 13 millions d'euros rien que contre le cancer. Comparé avec nos trucs qu'on fait à la télévision et qui rapportent 81 millions. Et les gens montent en vélo, ils montent à pied, ils viennent en famille. Et vraiment, ça vous prend au cœur quand vous voyez toutes ces personnes qui... Et du coup, les gens du pays participent aussi. Puisque nous, on le fait, nous, on monte avec eux. Et ça commence à 4h du matin et ça se finit le soir à point d'heure. Et vous pensez justement que cet événement a été créé comme racine, j'ai envie de dire, justement, le Tour de France et cette culture aussi du vélo qui s'est instaurée ici. La racine, c'est le Tour de France. Exactement. C'est des coureurs hollandais qui séjournaient à l'Alpe et qui connaissaient bien le maire de l'époque, M. Muller, et qui avait pensé à ce truc-là. Au début, il y avait 200, 300 personnes, et puis ça s'est agrandi pour arriver. Je crois qu'ils leur interdisent d'en prendre plus de 5000 là maintenant. Je crois, oui. Quelque chose comme ça, parce que sinon ils en auraient peut-être 10 000. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 5000. Et vous y avez déjà participé autour de la table ou... Oui, moi je suis montée. Oui. Je suis montée 3 années de suite, pas en vélo, hein, à pied. À pied, mais je vous assure, quand à chaque virage, vous avez des gens qui vous encouragent, vous avez des bougies tout le long. Et bien sûr que les gens font ça pour honorer quelqu'un qu'ils ont perdu. Et c'est vraiment émouvant. C'est émouvant et quand on arrive en haut, on est pris par une émotion. Je vous assure, c'est vraiment, c'est prenant. Vous partagez justement cette émotion. Ouais. Ça vous émeut de voir justement cet élan de solidarité qui se met en place ? Ça nous touche en tout cas. Moi, ça me touche. Surtout qu'en plus de ça, il y a le côté humain qui intervient tout le temps. Dans cette équipe de Hollandais, il y a une équipe qui met, par exemple, des bougies sur les tombes du cimetière d'Huez. Quand vous avez quelqu'un qui vient d'être enterré dans le cimetière, avec un cancer surtout, ils le savent. Je vois sur la tombe de ma femme, quand elle est décédée, elle est décédée d'un cancer. Eh bien, l'année où elle est décédée, ils sont montés tout de suite après. Eh bien, ils avaient mis je ne sais pas combien. Il y a d'autres événements, par exemple, caritatifs comme ça, qui se déroulent, que ce soit ici, dans les montagnes de Loisans, voire même à l'Alpe d'Huez. Alors, je sais qu'il y a une descente au flambeau qui est faite aussi chaque année. C'est pour des enfants malades. Donc, chaque année, et elle n'est pas faite qu'à l'Alpe d'Huez, elle est faite dans toutes les stations de ski. Hein. Si vous deviez résumer ce que l'Alpe d'Huez, cette station, représente pour vous, ce serait quoi ? Pour moi, c'est mon enfance, c'est l'amour des montagnes, c'est mes racines. C'est mes racines, tout simplement. J'ai eu du mal, je suis partie faire mes études, je suis partie ailleurs, je suis revenue ici. Mes enfants étaient élevés ici, ils sont partis, mais ils ont toujours un bout, alors je ne vais pas dire de l'Alpe d'Huez, mais ils ont un bout de Loisan en eux, et c'est dur de se déraciner d'ici. Même si on part très loin, t'en es un exemple. Oui, tout à fait. Comme Bernadette, voilà. Moi, j'ai habité à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. J'habite actuellement à Paris. Mais peu importe où j'habite, quand on me demande « d'où êtes-vous ?», je dis toujours « je suis de l'Alpe d'Huez ». Je ne serai jamais ni parisienne, ni anglaise, ni quoi que ce soit. Je suis de l'Alpe d'Huez. C'est mes racines. Malgré que ma vie s'est faite ailleurs, pour moi, c'est chez moi et c'est important. Pour dire quelques mots, alors c'est vrai que l'Alpe d'Huez a été nommée l'île au soleil. Moi, je dirais en effet l'île au soleil, et puis c'est l'île du cœur, l'île de... Enfin, c'est mes racines. Et pourquoi l'île au soleil, en fait? Je peux vous donner quelques chiffres, parce qu'on avait fait ce petit aéroport. La météo a été enregistrée pendant 30 ans. Et l'Alpe d'Huez figurait en tête de... Là où ils ont fait des relevés, bien sûr. Parce que maintenant, ils en font peut-être un peu partout. Mais en tête des stations de sport d'hiver. On avait 25, là, le chiffre m'échappe. On avait 2500 heures de soleil par an, oui. C'est ça, 2500 heures. Alors qu'à Courchevel, il y avait la même installation, il n'avait que 1700 heures. C'est quoi? C'est la proximité avec les Alpes du Sud qui fait ce bon taux d'ensoleillement? On a un climat, qui est mixte. On est à la limite des Alpes du Sud et on a un climat d'ouest dominant, naturellement. Par-dessus le marché, on est dans une vallée qu'ils appellent l'intermétéo à chaudron. C'est-à-dire que l'entrée de la vallée est à l'ouest et au bout, c'est un cercle de montagnes qui bloque tout. Si bien que les courants chauds qui sont ascendants monte au milieu, là, et déblaye tous les nuages. Alors, vous avez des journées, vous avez des nuages tout autour, sauf ici, sauf cette partie de Loisan. C'est pour ça qu'il fait bon vivre chez nous. Oui. C'est important de le souligner, effectivement. Mais à la Grave aussi. La Grave un peu moins. 3 mois sans soleil, là-bas. 3 mois sans soleil. Oui, parce qu'ils sont au fond d'une vallée. Ah oui. Et donc, du coup, ça, c'est quoi? C'est les nuages restent encaissés, non, c'est les ça? Les montagnes. Non, mais comme on a le massif de la Meije qui est là, donc la Grave, elle est enterrée au pied. Le soleil passe derrière la Meije, donc ça fait une zone d'ombre. D'accord. Si vous voulez, ça fait un peu comme ici, vous voyez. On est déjà plus au soleil. Alors que de l'autre côté de la vallée, il y a encore. La Grave, c'est ça. Alors que l'Alpe d'Huez s'est déployée face au soleil partout. Tu crois qu'on va avoir donné envie aux gens de tous venir chez nous, hein, je crois bien. C'est sûr, et c'est un microclimat donc qui est particulier. J'imagine que, pareil, l'été, ça doit être hyper agréable, alors. Ben évidemment, évidemment, mais on peut faire des belles balades pendant 15 jours. La végétation, c'est plutôt aride, c'est plutôt montagnard, c'est plutôt... Non, c'est des herbes assez courtes, enfin, je ne connais pas grand-chose dans le... Oui, dans c'est de l'herbage, plan, beaucoup d'herbage, oui. Beaucoup d'herbage assez court. Il y a des fleurs, il y a des violettes, des gentianes. Puis alors, il y a les vallées, comme la vallée de la... Non, ça s'appelle déjà le ruisseau qui coule au pied d'Huez. Romanche? Non. La Sarène. Oh, voilà, je perds la mémoire maintenant. Le long de la vallée de la Sarène, je le tiens d'un client qui faisait l'herboristerie. Il m'a dit, vous avez dans votre vallée 3 fleurs qui n'existent que dans cette vallée. Et c'est lesquelles? Tu t'en souviens? Il m'a fait voir, mais je ne saurais pas. Donc c'est des fleurs hyper rares. Il y en a 2 qu'on trouve également en Yougoslavie, de ces fleurs. La 3e est uniquement dans la vallée de Sarène. Est-ce qu'on peut dire aussi que la vallée de Loisan, les montagnes de Loisan aussi sont ce... Je sais que c'est pas très français ce que je vais dire, mais se méditerranéisent au fil du temps. Est-ce que ça devient plus méditerranéen au fil du temps, justement? Oui, et on peut le dire. On peut le dire parce que le niveau supérieur des forêts de sapins s'élève. Vous l'avez remarqué au fil des années? Ah oui, oui, bien sûr, ça pousse de partout maintenant ici. Et le niveau des sapins s'élève. Et il y en a des tout petits qui sont encore plus hauts. Vers le lac Besson, par exemple. Et bien maintenant, il y a des sapins qui poussent vers le lac Besson à 2200 mètres d'altitude en zone sud. Ce qui est rare. Ils poussent habituellement en zone nord. les sapins. Et là, en zone sud, il y en a qui poussent à plus de 2200 maintenant. Ça monte. Ça, c'est net. Mais ça monte doucement, bien sûr. C'est 10 ou 15 ou 1 cm par an, mais... Par contre, nous, on n'a plus d'agriculteurs à l'Alpe d'Huez. On n'a plus de... D'agriculteurs. Ah non, plus du tout. Il y en a encore Oui, au secteur de la Grave, il y a quelques jeunes qui se sont installés quand même. Sur la Grave, on a Éric Ferrier qui a une ferme au Grand Clos en bas. On va dire, il a 120, 130 bêtes à son actif quand même. Puis sur Villard d'Arène aussi, il y a quelques-uns qui sont encore là. Puis sur le secteur en haut, là, les terrasses, les chazelets, il y a quelques agriculteurs encore. Des jeunes qui se sont installés dernièrement. Et on y fait quoi exactement? Qu'est-ce qu'on cultive? Qu'est-ce qu'on élève ici dans la région? C'est plutôt les bêtes. C'est dû aux bêtes et puis au foin de l'été. On va dire c'est plus de l'élevage d'animaux. On a les vaches qui montent à l'alpage encore maintenant. Des bêtes de garde. Mais des bêtes qui viennent de Beaupère. Nous, ça vient de la région de Beaupère. Et puis, il y a les moutons de Provence. Qui montent aussi. Et il y a 2000 moutons qui montent chaque année là-haut. Ils utilisent les stations de ski pour les alpages. Ça nous sert de tondeuse, figurez-vous. Exactement. Ça nous sert de tondeuse parce que l'herbe non fauchée s'aplatit sous la neige et la fait glisser. Alors que là, l'herbe est fauchée partout par ces bestioles. Et heureusement, on a perdu ces avalanches qu'on a vues même sur le premier tronçon du téléphérique. Pour vous dire, la pente n'est pas forte. On vient de me dire à l'instant qu'il reste 4 minutes environ d'atelier. Est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à évoquer sur cette magnifique station de l'Alpe d'Huez? Quelque chose qui vous viendrait à l'esprit, qui vous anime peut-être au sein de cette station? Avec toute la publicité qu'on a faite, là, je ne sais pas si on va encore parler de... On va dire que l'Alpe d'Huez, elle a englobé aussi pas mal de petites stations autour. Voilà, exactement. Beaujani, puis il y a Oristre-Loison. Je pense qu'il ne faut pas parler que de l'Alpe d'Huez, il faut parler de Loison en général. Voilà, Loison en général, c'est une terre d'accueil, c'est une terre où il fait bon vivre, où on est heureux de vivre, et voilà. On va peut-être évoquer un dernier sujet ensemble, c'est au sujet des avalanches. Ici, comment ça se passe? J'imagine qu'en zone de montagne, c'est quand même, on va dire, un risque qui est quand même assez majeur, en hiver notamment. Alors, il y a beaucoup de prévention pour les avalanches. Elles sont déclenchées généralement, on a les équipes de pisteurs artificiers qui les déclenchent avant. On a eu cette année des grosses avalanches, cette année on a eu beaucoup beaucoup de neige. Et les avalanches, il y en a une qui est arrivée au rivier Ornon, qui est un petit village juste au-dessus. Mais cette avalanche-là, elle a été finalement contrôlée. Parce que maintenant, on a quand même les gens qui sont munis pour. Alors que dans le temps, les gens n'avaient pas toutes les ressources comme on a actuellement. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Roger. Oui, exactement. Tu te souviens, on avait l'avalanche qui partait d'en haut, qui descendait jusqu'au cimetière. Oui. Celle-là, maintenant, elle ne coupe plus la route. On a planté des arbres. Exactement. On a fait tout ce qu'il fallait pour l'empêcher. Et chaque année, quand on sent que l'avalanche risque de partir, préventivement, on essaie de la faire partir. Oui. Quand on plantait les arbres, on en plantait 12 000 par an. On était occupés. Et ces avalanches, elles sont dues... C'est quoi, généralement? C'est dû à la déforestation? C'est dû au manque d'arbres? Non, c'est pas dû à la déforestation. C'est naturel, en haute montagne. Mais la neige n'a plus rien pour l'arrêter. Il n'y a rien du tout si on ne met pas des arbres. Alors, aux endroits où il n'y a pas d'arbres, ben vous pouvez être tranquille. Il y a des avalanches. C'est automatique. D'où un coup froid, un coup chaud, et puis une avalanche se déclare. À la Grave, il y en a, Bien sûr qu'il y en a eu partout, des avalanches. Et l'autre année, il y a le tabouchet qui est descendu, là, il n'y a pas si longtemps. Il y a 3-4 ans en arrière, c'était un monstre qui est descendu. Ça a envahi le camping d'en bas, ça a envahi toute la Romange. C'était énorme. C'était barré du glacier, là-haut. Ça vous a marqué, ces coulées de neige juste... Il y en a peut-être une qui vous a marqué. Il y en a eu de tout temps, il y a eu des avalanches. D'aujourd'hui. On a eu nos problèmes aussi. Les gens qui ont été pris dans la tempête de neige. Les gens qui travaillaient à la Satara. On a eu des avalanches où il y a eu des morts. La montagne est belle, mais elle est dangereuse. Il faut savoir l'apprivoiser, on va dire. Oui. C'est donc important d'écouter les autorités locales. Exactement. Et d'éviter de faire du hors-piste, tout ça, parce que... Il y en a, on peut les considérer comme fous. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous toutes et vous tous pour vos interventions. On rappelle, hein, c'était donc une spéciale station de ski. Et on était donc ici, en enregistrement, ici au sein de l'EHPAD du Bourdoisan. Vous avez peut-être un dernier message à passer ? C'est-à-dire que nous, à l'époque, quand ça craignait les avalanches, nous, on allait au bistrot. On peut s'applaudir pour ça. Eh bien, merci à vous toutes et vous tous.